La cérémonie de félicitations des anniversaires de naissance des participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée a eu lieu le 20 courant à l'hôtel 25 avril à Pyongyang.